Rebonsoir à toutes et à tous. Pour ce deuxième focus de la soirée, on est donc dans l'aspect française et on se penche donc sur un groupe qui nous vient de Bordeaux. Le groupe Carcol, c'est un groupe de doom metal qui a été formé en 2016. Le groupe vient de sortir son second album. Alors l'album, il a été précédé d'un album en 2018 intitulé Rising Sons of Saturn, qui était déjà très très bon et que je vous invite chaudement à écouter. Personnellement, je préfère le nouvel album, mais celui-ci est vraiment bien également. Ce nouvel album s'intitule donc The Life and Works of Death. Il est sorti le 19 février et le groupe signe chez Sleeping Church Records. L'album est accompagné d'une pochette que je trouve vraiment classe, moi j'aime énormément ce style-là. Alors j'ai regardé si la personne avait fait d'autres pochettes, mais apparemment c'est la première qu'elle fait, en tout cas la première qui est référencée sur Metal Archive. Et ouais, vraiment ça me parle beaucoup, c'est un style que j'apprécie énormément. Et juste avant d'attaquer la partie purement musicale de la chronique, concernant le nom du groupe, en fait, le Carcol, donc j'ai cherché rapidement, bon l'information elle est pas dure du tout à trouver, mais c'est une créature du folklore français, en fait, et plus particulièrement des Landes, et en fait c'est un espèce d'escargot monstrueux qui aurait terrorisé une ville de ce secteur-là. Alors déjà je trouve que l'image elle correspond vraiment très bien à la musique du groupe dans son ensemble, mais aussi je trouve que c'est toujours très cool d'avoir un petit peu d'informations sur ce folklore français qu'on connaît pas toujours très bien et qui est pourtant assez riche. Voilà, fin de cette petite partie concernant l'origine du nom du groupe. Et du coup, musicalement, on est sur du doom très épique, qui est, alors je trouve, largement influencé par les maîtres du genre qui sont Candlemass. On n'est pas du tout dans du copier-coller, on sent juste que le groupe est largement fan et a été bercé par ce groupe-là. Maintenant, le Carcol a vraiment une identité propre, et c'est ce qui, je trouve, est très très louable dans leur travail. Et le résultat est vraiment terrible, je trouve que ça fonctionne super bien. Et on a une espèce d'alternance entre des passages forcément très pachydermiques, des passages plus épiques et heavy qui apparaissent également, et d'autres passages complètement contemplatifs. C'est porté par un chant qui est très très travaillé. Franchement, il y a un vraiment gros respect sur le travail du chanteur, parce que je trouve que ça porte vraiment toutes les compositions, et vraiment sans négliger le travail remarquable des autres membres du groupe. Voilà, je trouve que le chant est quelque chose qui est vraiment singulier, et il y a vraiment des passages où il part dans des trucs complètement éthérés, et moi ça me transporte complètement. Et du coup, pour illustrer tout ça, on va s'en écouter un morceau. Alors pour ce soir, j'ai choisi le morceau d'ouverture de l'album, qui s'intitule From Dark Ages They Come. C'est un morceau qui est assez long, qui dure quasiment 9 minutes. Alors je sais pas si Sylvain sera obligé de faire une coupe un petit peu dans le morceau. En tout cas, c'est un morceau qui démarre de façon doom assez classique et qui part complètement à la fin dans quelque chose qui est complètement heavy et que je trouve vraiment excellent. We'll be right back. petrify you. The end of life is coming from the head and from the plate, the seed of blood.